Dans son livre intitulé « Ma vie », Carl Gustav Jung parle d'un voyage en Afrique où il s'est retrouvé devant une immense falaise qui faisait face à l'ouest et en contrebas de laquelle était niché un village. Le soir venu, des centaines de singes étaient apparus au sommet de la falaise pour observer le soleil disparaissant à l'horizon. Jung demanda aux villageois si les singes étaient coutumiers de la chose. On lui répondit que, d'aussi loin que les ancêtres puissent se souvenir, les singes s'étaient toujours comportés de cette façon. Et Jung se dit, peut-être regardait-il le coucher du soleil en se disant, « Il doit y avoir une question à se poser là, mais laquelle ?» Et un homme n'est plus un singe à partir du moment où il trouve quelle question poser et la pose. Et la question posée est, « Soleil, vas-tu revenir demain ?» Tellement parti dans notre mental à nous les occidentaux, c'est pas aussi simple de moins se poser de questions. Et puis tout est compliqué avant d'être simple si jamais on recherche la simplicité. Je voudrais quand même dire à Descartes et compléter sa phrase « Je pense donc je suis ». Mais si je pense trop, je ne me suis plus. Je vais aller donc questionner les singes pour connaître leurs secrets. Hey yo yo les mecs, ouais. Ah, venez voir le soleil qui se couche là. Waouh, c'est beau, hein. Mais pas une question à se poser là. Non, regarde, c'est tout ce qu'il y a à faire. Excusez-moi. Ouais. Vous n'avez pas peur que le soleil ne revienne pas? Attends, petit homme, attends. Tu viens t'asseoir et tu regardes comme c'est beau. C'est tout ce qu'il y a à faire, mec. Regarde les couleurs, là, ici et maintenant. Et tu veux que je me prenne la tête déjà pour demain? Ouais, c'est bon, vous, les hommes, hein. Je préfère autant être un singe, là. Allez, on bouge les fesses un peu.